إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Toutes les louanges appartiennent à Allah. Nous le louons, nous cherchons son assistance et nous implorons son pardon. Et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal qui peut provenir de nous-mêmes et contre le mal qui peut provenir de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide ne sera point égaré. Celui qu'Allah égare ne trouvera jamais de guide. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans associé. Et je témoigne que notre prophète Muhammad a son serviteur et son messager. Ô vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint, et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ya ayyuha an-nas ittaqoo rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être. Wa khalaqa minha zawjaha, et qui a créé de celui-ci son épouse. Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa, et qui a fait répandre sur terre beaucoup d'hommes et de femmes. Wa attaqu Allah alladhi tasaaluna bihi wal arham, et craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Inna Allah kana alaykum raqiba, certes Allah vous observe parfaitement. Ya ayyuha alladhina amanu attaqu Allah wa qulu qawlan sadida, ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture. Yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Afin qu'il améliore vos actions et qu'il pardonne vos péchés, et quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Ayyuha al-ikhwatu al-kiram, ceci est notre 20e rencontre parmi les rencontres de cette noble et bénie série silsilatu durusun min surati luqman, leçon tirée de Sourate Luqman. Et nous avons certes aujourd'hui rendez-vous, ayyuha al-ahbab, avec ce cher conseil, avec cette recommandation qui a été répétée à plusieurs reprises dans le livre d'Allah Jalla wa Ala, destinée à l'être humain, à l'insan. Allah tabaraka wa ta'ala a certes pris cet engagement avec tous ses serviteurs, en tout moment et en toute époque et en tout lieu. Et il l'a fait suivre à ses serviteurs, messagers, prophètes et serviteurs. Telle est la recommandation qui nous montre la miséricorde d'Allah Jalla Jalalu envers ses serviteurs, l'ibad. Telle est la recommandation qui nous prouve sa sagesse, subhanahu wa ta'ala, dans l'organisation de sa création et dans la prise en compte de leurs droits les uns envers les autres. Tel est l'énorme conseil et la recommandation considérable qui est à une affaire très importante et un droit primordial. Allah Jalla wa Ala l'a suivi de son adoration à l'ibad. Il l'a suivi dans son rappel de son unicité à tawhid. C'est un conseil très important et une recommandation considérable et une obligation énorme qu'Allah a rendu obligatoire à tous ses serviteurs. Et ceci, ayol ikhwah, dans sa parole, tabaraka wa ta'ala, dans le 14e verset de Sourate Luqman, où Allah jalla wa ala nous dit, ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. الله تبارك وتعالى يجيب. Et nous avons recommandé à l'homme la bienfaisance envers ses parents. Sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine. Et son sevrage aura eu lieu pendant 2 ans. Sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents. Et c'est vers moi que se fait la destination. L'explication de ce verset unique, ayol ikhwa, de Sourate Luqman, durera bi-idnillahi tabaraka wa ta'ala 3 rencontres successives. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, wa wassayna al-insana bi-walidayh. Et nous avons recommandé à l'homme la bienfaisance envers ses parents. Les interprètes du Coran ont divergé. Est-ce Luqman rahimahullah ta'ala qui a dit cela à son fils? Ou bien est-ce la parole directe de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala? Mais dans tous les cas, c'est certes une recommandation de la part d'Allah jalla wa ala au sujet des parents al-walidayn, d'être bienfaisant envers eux. Et c'est un ordre énorme et une base très importante et un fondement considérable parmi les fondements de l'éducation des enfants à tarbiyatul awlad. Wa wassayna al-insana biwalidayh. Nous avons recommandé à l'homme la bienfaisance envers ses parents. Et la recommandation al-wasiyya ayyul ikhwatul kiram, comme nous le disent les savants al-ulama, signifie un engagement appuyé. La recommandation ici est l'engagement appuyé d'une chose. C'est comme si Allah jalla wa ala nous avait pris et donné un engagement appuyé vis-à-vis des parents al-walidayn. Il ordonna ainsi la bienfaisance al-ihsan envers les parents à la suite de sa plus grande obligation envers ses serviteurs, qui est le fait de l'adorer sans l'associer. كما الله تبارك وتعالى نجي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé et agissez avec bonté envers vos parents. Et Allah تبارك وتعالى نجي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Et ton Seigneur a décrété n'adorer que lui et marqué de la bonté envers vos parents. Ainsi, l'ordre d'obéir aux parents n'a pas été décrété seulement pour cette communauté, ayol ikhwa, mais c'est également pour les communautés précédentes, car Allah a pris auparavant l'engagement des fils d'Israël en étant bienfaisant envers leurs parents, comme Allah tabaraka wa ta'ala nous dit wa idh akhadna mithaqa bani Israël alla ta'budu illa Allah wa bilwalidayni ihsana. Et lorsque nous avons pris l'engagement des enfants d'Israël de n'adorer qu'Allah et de faire le bien envers les parents, et ceci a été également prononcé par certains prophètes al-Anbiya, comme nous le dit Allah Jalla wa Ala en parlant de Yahya alayhi salatu wa salam, wa barran biwalidayh wa lam yakun jabbaran asiyya, et dévoué envers ses parents, et ne fut ni violent et ni désobéissant. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit par la langue de son serviteur et de son messager Isa alayhi salatu wa salam, wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Et en bonté envers ma mère, et il ne m'a fait ni violent ni malheureux. Telle est ainsi la recommandation d'Allah au sujet des parents al-walidayn, ayyuha al-ikhwatul kiram. Ainsi, si Allah tabaraka wa ta'ala nous a accordé le bienfait de nous avoir créés, eh bien nos parents nous ont accordé le bienfait de l'éducation et de la naissance. Qui t'a donc mené à la vie jusqu'à cet âge? Sans Allah tabaraka wa ta'ala, puis tes parents al-walidayn, tes parents sont ainsi une cause de ta présence sur terre, ya Abdallah. Wa wassayna al-insana biwalidayh. Nous avons recommandé à l'homme la bienfaisance envers ses parents. C'est pourquoi Allah Jalla wa Ala a suivi la bienfaisance envers les parents après son adoration al-ibad. Et il a placé le fait de le remercier en les remerciant. Et sa satisfaction par leur satisfaction. Et sa colère par leur colère. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. Nous avons recommandé à l'homme la bienfaisance envers ses parents et il nous dit dans un autre verset وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانَ. Et nous avons enjoint à l'homme de la bonté envers ses parents et dans un autre verset وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنَ. Et nous avons enjoint à l'homme de bien traiter ses parents. Alors qu'en est-il à propos de l'obéissance des parents? Comment le serviteur se doit d'obéir à ses parents? Comment le serviteur peut être un véritable obéissant à ses parents? Comment accomplir et exécuter et appliquer ainsi la recommandation d'Allah Jalla wa Ala au sujet de nos parents? Soyez bien attentifs, ayol ikhwa, vous entendrez de notre part des paroles que vous n'avez, que la plupart d'entre vous n'a pas entendues avant ce jour. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. Nous avons recommandé à l'homme la bienfaisance envers ses parents, l'obéissance des parents, ayol ikhwatul kiram, fait partie des actions les plus aimées d'Allah Jalla wa Ala, comme ceci a été cité dans les deux recueils authentiques selon Ibn Mas'ud radiallahu anhu. Il dit, un jour j'ai demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quelles sont les actions les plus aimées et les plus préférées auprès d'Allah Jalla wa Ala? Al-Habib al-Mustafa, le bien-aimé, l'élu sallallahu alayhi wa sallam, répondit, As-salatu fi waqtiha, la prière à son temps. Puis je lui dis, puis laquelle? Il répondit, l'obéissance aux parents. Puis je lui dis, puis laquelle? Il répondit, al-jihadu fi sabilillah, le combat dans le sentier d'Allah. C'est ainsi, ayol ikhwa, que l'obéissance aux parents passe avant le combat dans le sentier d'Allah. Et le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam l'a même compté parmi al-jihad. Comme ceci a été rapporté dans les deux recueils authentiques selon Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhu. Il dit, un jour un homme vint au messager d'Allah alayhi salatu wa salam lui demander l'autorisation de partir au combat al-jihad. Le messager d'Allah alayhi salatu wa salam lui répondit, alors est-ce que tes parents sont vivants? Et alors il lui répondit oui. Et alors il lui dit sallallahu alayhi wa sallam, c'est en leur compagnie que tu dois alors faire ton jihad. C'est en leur compagnie que tu dois alors faire ton djihad. Et dans les sunnans de l'imam Abu Daoud, avec une chaîne de transmission authentique selon Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhu, il dit, un jour un homme vint au messager d'Allah alayhi salatu wa salam et lui dit, ya Rasulallah, je suis venu te prêter serment d'allégeance quant à l'émigration al-hijra, mais j'ai laissé mes parents pleurer. Et alors il dit sallallahu alayhi wa sallam, retourne auprès d'eux et fais-les rire comme tu les as fait pleurer. Et fais-les rire comme tu les as fait pleurer. Na'am, ayol ikhwa. L'obéissance aux parents, ayol ahbab, est également une cause dans l'allongement de la vie et dans l'élargissement des biens, comme ceci est cité dans le Musnad d'Al-Imam Ahmad, avec une chaîne de transmission bonne selon Anas ibn Malik radiallahu anhu. Il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui désire que sa vie soit allongée et que ses biens augmentent, qu'il obéisse à ses parents et qu'il visite ses proches. Celui qui désire que sa vie soit allongée et que ses biens augmentent, qu'il obéisse à ses parents et qu'il visite ses proches. Et dans le hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi, dans ses sunan, il dit à son sujet, c'est un hadith avec une chaîne de transmission gharib, selon Salman al-Farisi radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam nous dit, ne repousse le destin que l'invocation à Dua et n'augmente le temps de vie que l'obéissance à Ta'a. Et dans les deux recueils authentiques selon Ibn Omar radiallahu anhumah, et dans ce hadith que nous allons évoquer, yol ikhwa, il nous est bien montré que l'obéissance aux parents n'est pas seulement une cause afin d'allonger la vie et d'élargir les biens, mais c'est également une cause dans la résolution des soucis et dans la facilité des problèmes. Nous disons que le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim. Selon Ibn Omar radiallahu anhuma, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, trois hommes parmi les gens qui vous ont précédés ont un jour passé la nuit dans une grotte, car ils étaient en voyage. Ils ont alors passé la nuit dans une grotte, un rocher tomba alors du haut de la montagne et les coinça alors dans la grotte. Ils se sont dit alors les uns les autres, Vous ne serez sauvés de ce rocher que si vous invoquez Allah Jalla wa Ala en prenant comme intercesseur vos bonnes actions. Demandez à Allah par l'intermédiaire de vos bonnes actions. L'un des trois hommes dit alors, « Oh Allah, j'avais deux vieux parents. Soyez attentifs, ayol ikhwa, et observez, et regardez, et constatez l'obéissance aux parents, ayol ashabab, vous les jeunes. J'avais deux vieux parents. Je ne nourrissais personne avant eux, ni famille, ni bien. Je suis un jour sorti travailler, mais je suis resté trop longtemps. Et lorsque j'arrivais chez mes parents, je les ai alors trouvés endormis. » Cet obéissant nous dit, « J'ai apporté alors leur lait dans un récipient. Lorsque je suis arrivé auprès d'eux, je les ai trouvés endormis. Et je ne voulais pas les réveiller. Je suis alors resté avec le récipient dans mes mains, attendant qu'ils se réveillent, ne voulant pas les réveiller. » Et dans la version de l'imam al-Bukhari, « Et les enfants me tenaient les pieds et pleuraient à cause de leur grande faim. » Mais il dit, « Je ne voulais pas nourrir avant eux ni famille ni bien. Je suis alors resté. Ainsi jusqu'à ce que l'aube arriva. Et lorsque l'aube arriva, les parents se réveillèrent et il put alors les abreuver. » Tel est l'obéissant, ayol ikhwa. Il devance ses parents à ses enfants. Où est cet obéissant de nos jours? Où est cet obéissant devant beaucoup parmi nous, ayol ikhwa? Parmi ceux qui devancent leurs femmes à leur mère, parmi ceux qui devancent leurs enfants à leurs parents, tu peux trouver des gens, leurs parents vivent avec eux, dans leur même maison, dans leur même demeure. Lorsqu'ils rentrent à la maison avec de la viande et avec des fruits, ils cachent cela. Ils cachent cette viande. Pourquoi? Car il a peur de sa femme. Cette femme désobéissante qui lui a ordonné de désobéir à sa mère. Et wallahi wal ikhwa, où est cet obéissant par rapport à celui qui désobéit à celle qui l'allaita? Par rapport à celui qui est désobéi à celle qui s'est fatiguée, qui a enduré pour lui sa mère? Telle est la recommandation d'Allah pour nous, ayol ikhwa. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. Nous avons recommandé à l'homme la bienfaisance envers ses parents. Quel malheur à celui ainsi qui n'aura pas respecté cette recommandation. Quelle perte à celui qui n'aura pas respecté cela. Quelle perdition à celui qui aura délaissé cet ordre. Car nous voyons et nous constatons en ce moment et en cette époque, dans beaucoup de demeures de musulmans al-muslimoun, beaucoup de demeures où les pères et les mères sont négligés, où les pères et les mères sont abandonnés, et beaucoup de jeunes désobéissent à leurs parents, naram, et après cela, ils sortent et ils prétendent devant les gens avec cette innovation sur laquelle Allah Jalla wa Ala n'a rien fait descendre à ce sujet, la fête des mères, qui n'appartient pas à la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car tous les jours de l'année se doivent d'être des jours de miséricorde, et des jours d'amour et de fidélité, et des jours d'obéissance et de véracité et de bienfaisance, al-ihsan. Mais si on fête la fête des mères un jour de l'année, et après cela on néglige notre mère, et après cela on insulte notre mère, et après cela on frappe notre mère, cela ne fait pas partie de la religion de l'islam. Cela ne fait pas partie de la religion du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et cela ne fait pas partie des lois et des prescriptions d'Allah, al-wahid al-dayyan. Et cela est une preuve quant à la perte des efforts et de l'annulation des actions, wal'ayadu billah. Oh celui qui aura insulté son père, ô celui qui aura insulté sa mère, ô celui qui désobéit à ses parents, écoute ce que te dit Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Et écoute en premier ce qu'a dit Allah jalla wa ala à ton sujet. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Et ton Seigneur a décrété n'adorer que lui. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et marqué de la bonté envers les parents. وَإِمَّا يَبَلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا. Si l'un d'eux, ou bien tous les deux, c'est-à-dire les parents, doivent atteindre la vieillesse auprès de toi. Ici, Allah Jalla wa Ala a spécifié et précisé ce moment et cette étape difficile des parents al-walidayn. Car lorsque les parents atteignent cet âge de la vieillesse, ont le plus besoin de toi, ô toi l'enfant noble, que lorsqu'ils étaient jeunes et en bonne santé. وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا. Et si l'un d'eux ou bien tous les deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْ. Ne leur dis point ouf. Allah Jalla wa Ala a ainsi spécifié et précisé ce moment difficile. Car beaucoup de désobéissants n'ont voulu que se débarrasser de leurs parents en les emmenant et en les emmenant dans les maisons de retraite. Tu vois l'un d'entre eux emmener son père ou emmener sa mère dans ses maisons de retraite afin de s'en débarrasser, afin de les délaisser, afin de les abandonner, ceci en les emmenant dans les maisons de retraite, car leur père et leur mère rendent leur vie difficile à eux et à leurs femmes et à leurs enfants. Alors qu'ils ont besoin, ces parents, à cet âge et à ce moment de vieillesse, de qui les nourrira, et de qui les lavera, et de qui les habillera. Mais il est occupé par son travail, et par ses commerces, et par ses sociétés, et il est occupé par sa femme, et sa famille, et ses enfants. وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْ. Ne leur dis point ouf, ne dis pas cela. Si tu vois quelque chose qui te dégoûte chez tes parents, ne leur dis pas ouf. Ce mot est constitué de deux lettres, ayyuhal ikhwa, uniquement. Ne lui fais pas comprendre que tu es gêné. Ne lui fais pas comprendre que tu es embarrassé. Attention à toi s'ils te demandent quelque chose, que tu leur dises ce mot. Ou bien que tu leur fasses comprendre que tu es embarrassé. Car beaucoup de jeunes désobéissants ne sont pas seulement arrêtés à dire ouf à leurs parents. Mais ils disent à leur père, oh tais-toi le vieux. Et ils disent à leur mère, ouf à toi et à tes demandes. Ou bien ils disent à leur père, tais-toi. Et ainsi de suite, de ce que disent les désobéissants à leurs parents. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا ouf. Et ne leur dis pas ouf. Al-Imam Mujahid rahimahullah ta'ala nous dit, ne leur dis pas ouf lorsque tu leur enlèves l'urine et la défection. Ne leur dis pas ouf et ne sois pas gêné, comme eux ils n'étaient pas gênés lorsque tu étais petit. Est-ce qu'ils te disaient ouf lorsque tu urinais et tu déféquais dans tes habits ou dans tout endroit? Est-ce que ta mère te disait ouf lorsque tu la réveillais en pleine nuit afin que tu l'allaites? Est-ce qu'il te disait ouf lorsque tu pleurais afin de boire et de manger? Est-ce que ton père te disait ouf lorsqu'il passait sa vie à travailler pour toi? Et maintenant toi, tu viens et tu leur dis ouf, et wallah, tu seras perdu. Et wallah, tu seras foutu. Et wallah, tu es le désobéissant malheureux. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا ouf. وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Et ne les brusque pas. C'est-à-dire, n'élève pas ta voix sur eux. وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Mais adresse-leur des paroles respectueuses, des paroles douces, de bonnes paroles, de belles paroles. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَخْفِذْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Et par miséricorde, abaisse pour eux ton aile de l'humilité, c'est-à-dire abaisse-toi devant eux, et sois miséricordieux envers eux comme eux ils l'ont été envers toi. وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ. Y a-t-il une récompense pour le bien que le bien? وَخْفِذْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Et dis ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde comme eux ils m'ont élevé tout petit. Invoque Allah Jalla wa Ala en leur faveur, de leur faire miséricorde comme ils ont été miséricordieux envers toi durant ton enfance. Sois aimable avec eux comme eux ils l'ont été pour toi. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Et dis ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. Et voici, ayyuhal ikhwatul kiram, l'ami intime d'Allah Jalla wa Ala, son ami privilégié Khalilur Rahman, Ibrahim alayhi salatu wassalam, qui invoque Allah pour ses parents. Comme ceci nous est dit par Allah Jalla wa Ala, Rabbana ghfir li wa li waliday wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ô notre Seigneur, pardonne-moi ainsi qu'à mon père et à ma mère et aux croyants le jour de la reddition des comptes. Et voilà Nuh alayhi salawatullahi wa salamu qui invoque pour ses parents, Rabbi ghfir li wa li walidayya wa li man dakhala baytiya mu'mina wa lil mu'minina wal mu'minat. Seigneur, pardonne-moi et à mes pères et mères et à celui qui entre dans ma demeure croyante, croyant ainsi qu'aux croyants et aux croyantes. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Et par miséricorde, abaisse pour eux ton aile d'humilité. Et dis, ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. Invoque Allah pour eux de recevoir la miséricorde alors qu'ils sont vivants. Invoque Allah pour eux après leur mort s'ils sont croyants. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Et dans le hadith de l'imam muslim. Et voilà les preuves, ayyuhal ikhwa, al-adillah, ayyuhal muslimoun, vous les musulmans, quant à la perdition et au châtiment de celui qui désobéit à ses parents. Le premier hadith est rapporté par l'imam muslim dans son recueil authentique selon Abi Hurayra, radiyallahu anhu. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, que son nez soit dans la terre, puis que son nez soit dans la terre, puis que son nez soit dans la terre, celui dont les parents ont atteint la vieillesse, ou l'un d'eux, il ne les obéit pas, il rentrera alors au feu annar. Il ne les obéit pas, il rentrera alors au feu annar. Et dans une version de l'imam al-Tabarani avec une chaîne de transmission ban selon Ibn Abbas, radiallahu anhuma, Jibril alayhi salam un jour vint voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: celui dont ses parents ont atteint la vieillesse et qui ne les obéit pas, Allah le rentrera au feu an-nar et l'éloignera et fera descendre sa colère et son courroux. Ya Muhammad, dit Amin, et je dis alors Amin. Celui qui désobéit à ses parents, ya l'ikhwa, Allah ne le regardera pas d'un regard de miséricorde le jour de la résurrection. Celui qui désobéit à ses parents, ya l'ahbab, ne sentira pas l'odeur du paradis al-jannah. Comme ceci a été rapporté dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed dans son musnad, et par l'imam al-Nasa'i et authentifié par Sheikh al-Albani selon Abdullah ibn Amr radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: alors sois attentif avant que tu ne sois parmi eux trois personnes. Trois personnes, Allah ne les regardera pas le jour de la résurrection, yawm al-qiyamah. Celui qui désobéit à ses parents, et la femme voulant ressembler aux hommes, et celui qui n'est pas jaloux pour sa famille, et trois personnes ne rentreront pas au paradis, ni ne sentiront pas son odeur, celui qui désobéit à ses parents, celui qui rappelle ce qu'il a donné, et le buveur d'alcool. Allah ne les regardera pas, Allah ne les verra pas le jour de la résurrection de son œil de miséricorde. Celui qui désobéit à son père et à sa mère ne rentrera pas au paradis al-Jannah et ne sentira pas l'odeur de ce paradis. Et le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous a informé qu'Allah jalla wa ala n'accepte pas les actions de celui qui désobéit à ses parents. Comme ceci a été cité dans le livre de Sunnah de Ibn Abi Asim rahimahullah, et le hadith a été jugé bon par Sheikh al-Albani. Selon Abi Umamah al-Bahili radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: trois personnes, Allah n'accepte aucune action, ni obligatoire, ni surérogatoire. Trois personnes, Allah n'accepte aucune de leurs actions, ni obligatoire, ni surérogatoire. Un désobéissant, un rappeleur de ses faveurs, et quelqu'un qui dément le destin. Allah n'accepte pas leurs actions. Ainsi, Allah n'accepte pas les actions de celui qui désobéit à ses parents. Prie si tu veux, fatigue-toi, jeûne pour Allah, jeûne le mois de Ramadan, effectue al-hajj, donne le monde obligatoire al-zakat, donne des aumônes al-sadaqat, mais sache qu'Allah n'acceptera pas tes actions. Si tu es désobéissant envers tes parents, trois personnes, Allah n'accepte aucune de ses actions, ni obligatoire, ni surérogatoire. Un désobéissant, le rappeleur de ses faveurs, et quelqu'un qui dément le destin. Na'am ayyuhal ikhwa, wa wassayna al-insana biwalidayhi. Nous avons recommandé à l'homme la bienfaisance envers ses parents. Et dans le Mustadrak de l'imam al-Hakim al-Hadith, avec une chaîne de transmission bonne, et également rapportée par l'imam al-Tabarani dans son Mu'jam, selon Abi Hurayrata radiallahu an, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: « Ah maudit celui qui fait les actions du peuple de Lout, ah maudit celui qui égorge pour autre qu'Allah, ah maudit celui qui désobéit à ses parents. » Ainsi le maudit, ayyuhal ikhwatul kiram, est le maudit par le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Et le maudit par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est celui qui sera sorti de la miséricorde d'Allah jalla wa ala, wa la'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve. Ainsi celui qui désobéit à ses parents est maudit par le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Et de plus, dans les deux recueils authentiques selon Abdullah ibn Amr radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit: parmi les plus grands des péchés, le fait que l'homme maudisse ses parents. Et alors il dit: ya Rasulallah, et comment quelqu'un peut maudire ses parents? Et alors il répondit sallallahu alayhi wa sallam: un homme qui insulte le père d'un autre, il aura certes insulté son propre père. Et un homme et quelqu'un qui insulte la mère d'une autre, la mère d'un autre, il aura insulté sa propre mère. L'obéissance des parents a été certes, ayyuhal ikhwa, également citée juste après l'unicité d'Allah, tawhidullah. La désobéissance des parents, ayyuhal ikhwa, elle, aura certes été également citée juste après l'association à Allah et shirku billah. Comme ceci a été rapporté dans les deux recueils authentiques selon Abi Bakra radiallahu anhu, il dit, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: voulez-vous que je vous informe du pire des péchés? Voulez-vous que je vous informe du pire des péchés? Et alors ils répondirent: oui, ya Rasulallah. Il dit: ash-shirku billah, l'association à Allah, wa uququl walidayn, et la désobéissance des parents. Ainsi la désobéissance aura été citée juste après ash-shirku billah, l'association à Allah, wa al-ayadu billah, qu'Allah nous en préserve, الله تبارك وتعالى نجى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن يشكر لي ولوالديك وإلي المصير. Nous avons recommandé à l'homme la bienfaisance envers ses parents. Sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine. Son sevrage aura duré 2 ans. Sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents, et vers moi se fera la destination. As'alullah jalla wa ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula. Je demande à Allah tabaraka wa ta'ala par ses noms parfaits et ses attributs sublimes qu'il fasse que nous soyons obéissants à nos parents et qu'il les récompense de la meilleure des façons. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Et en tenant ces propos, j'implore le pardon d'Allah pour moi ainsi que pour vous. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.